Deutéronome chapitre 31. Puis Moïse s'en alla, et tint ses discours à tout Israël, et leur dit, « Je suis aujourd'hui âgé de 6 ans, je ne pourrai plus aller ni venir, aussi l'Éternel m'a dit, tu ne passeras point ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu passera lui-même devant toi, il exterminera ces nations-là devant toi, et tu posséderas leur pays, et Josué est celui qui doit passer devant toi, comme l'Éternel en a parlé. Et l'Éternel leur fera comme il a fait à Sihon et à Og, roi des Amoréens, et à leur pays, lesquels il a exterminés. Et l'Éternel les livrera devant vous, et vous leur ferez entièrement, selon le commandement que je vous ai prescrit. Fortifiez-vous donc et vous renforcez, ne craignez point, et ne soyez point effrayés à cause d'eux, car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi, il ne te délaissera point, et ne t'abandonnera point. » Et Moïse appela Josué, et lui dit en la présence de tout Israël, « Fortifie-toi, et te renforce, car tu entreras avec ce peuple au pays, que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Car l'Éternel, qui est celui qui marche devant toi, sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, et ne t'abandonnera point, ne crains donc point, et ne sois point effrayé. » Or Moïse écrivit cette loi, et la donna au sacrificateur, enfant de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Et Moïse leur commanda, en disant, de 7 ans en 7 ans, au temps précis de l'année de relâche, en la fête des tabernacles, quand tout Israël sera venu pour comparaître devant la face de l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras alors cette loi devant tout Israël, eux l'entendant. Ayant assemblé le peuple, hommes et femmes, et leurs petits-enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils l'entendent, et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, et qu'ils prennent garde de faire toutes les paroles de cette loi. Et que leurs enfants qui n'en auront point eu connaissance, l'entendent, et apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu tous les jours que vous serez vivants sur la terre pour laquelle possédez-vous passer le Jourdain. Alors l'Éternel dit à Moïse, voici, le jour de ta mort est proche, appelle Josué, et présentez-vous au tabernacle d'assignation, afin que je l'instruise de sa charge. Moïse donc et Josué allèrent, et se présentèrent au tabernacle d'assignation. Et l'Éternel apparut sur le tabernacle dans la colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta sur l'entrée du tabernacle. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, tu t'en vas dormir avec tes pères, et ce peuple se lèvera, et paillardera après les dieux des étrangers qui sont au pays où il va, pour être parmi eux, et il m'abandonnera, et enfreindra mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, je cacherai ma face d'eux, il sera exposé en proie, plusieurs maux et angoisses le trouveront, et il dira en ce jour-là, n'est-ce pas à cause que mon Dieu n'est point au milieu de moi, que ces maux-ci m'ont trouvé? En ce jour-là, dis-je, je cacherai entièrement ma face, à cause de tout le mal qu'il aura fait, parce qu'il se sera détourné vers d'autres dieux. Maintenant donc écrivez ce cantique, et l'enseignez aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je l'introduirai en la terre découlante de lait et de miel, de laquelle j'ai juré à ses pères, et il mangera et sera rassasié, et engraissé, puis il se détournera vers d'autres dieux, et ils les serviront, et ils m'irriteront par mépris, et enfreindront mon alliance. Et il arrivera que quand plusieurs maux et angoisses les auront trouvés, ce cantique déposera contre eux comme témoin, parce qu'il ne sera point oublié pour n'être plus dans la bouche de leur postérité, car je connais leur imagination, et ce qu'ils font déjà aujourd'hui, avant que je les introduise au pays duquel j'ai juré. Ainsi Moïse écrivit ce cantique en ce jour-là, et l'enseigna aux enfants d'Israël. Et l'Éternel commanda à Josué, fils de Nun, en disant, fortifie-toi, et te renforce, car c'est toi qui introduiras les enfants d'Israël au pays duquel je leur ai juré, et je serai avec toi. Et il arriva que quand Moïse eut achevé d'écrire les paroles de cette loi dans un livre, sans qu'il en manquât rien, il commanda aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, en disant, prenez ce livre de la loi, et mettez-la à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là pour témoin contre toi. Car je connais ta rébellion et ton courroide. Voici, moi étant encore aujourd'hui avec vous, vous avez été rebelles contre l'Éternel, combien plus donc le serez-vous après ma mort? Faites assembler vers moi tous les anciens de vos tribus, et vos officiers, et je dirai ces paroles, eux les entendant, et j'appellerai à témoin contre eux les cieux et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous ne manquerez point de vous corrompre, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, mais à la fin il vous arrivera du mal, parce que vous aurez fait ce qui déplaît à l'Éternel, en l'irritant par les œuvres de vos mains. Ainsi Moïse prononçait les paroles de ce cantique-ci sans qu'il s'en manque à rien, toute l'assemblée d'Israël l'entendait.